c'est street, street. Dans ta tête, chacal. Une puce, plus une pute, t'es calmé, poulet de bouche, cavale. Ça fait clic, clic, tu connais la technique. Clic, clic, bah, et c'est le déclic. Nique ta race et ta femme, infâme car toujours affamée. Trouve. Dans la face, c'est avarié, j'ai la dalle et donc garde-les. Trouve. Vas-y, bouge tes seufs jusqu'au bout de la night. Bouge tout ce que t'as, j'm'en bats les couilles tant que tu ramènes la maille. Nous, ce qu'on veut, c'est pas le pas, le P, le bif, on a pas le pas, le temps. Et pas les pattes, nous demande pas le pas, le pas, le. On était déréglés, putain, t'es con ou quoi? Eh, vas-y, accélère, Higo. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow, c'est quoi que j'entends là? Eh, moi je dois faire de la thune. Le rap, tu pèses sa mère la pute. Il fait 17 quand je fais de la pure. Quand je fais de la pure, j'assume la montée jusqu'à la chute. Tu veux du shit, viens voir mes chipotes pas ou bien je t'insulte. A qui la faute, à qui la faute si on devient méchant? A qui la faute, à qui la faute, dis-moi. Wow, wow, wow. NOS, à des mots, on n'est pas très tendre. Tu l'as senti dans ton eh, t'as fait. Wow, wow, wow. Perdu 20 dollars. Wow, y'a eu Haglak. Wow. À 13h, y'a les keufs, oula. Wow, wow, wow. Tu pars pour 20 piges. Wow. Il baisse ta copine. Wow. Un PD te traque dans ta tête, ça fait. Wow, les you voient contre le terrain et les poulets sont ZRS. On bibi dans la zone et les autres cités nous détestent. Si je pose sur ton des halls, c'est pour fumer le 16. Si je vends de la. C'est pour faire sniffer le 16. J'suis tout, tout, tout, toujours en infraction. Un 5-20 dans la structure et l'eau dans le caleçon. Le litron n'a pas fait de nous des héros. Plus cramés, plus armés. Des autres villes, on baisse les hétéros. J'me disais, pourvu que j'me fasse pas péter avant de poser. Pourvu que j'me fasse pas péter avant de peler. Des cash money dans le bas, litron dans les caves. J'puisse mon navire sur des glycos qui finissent par boucave. Gangsta, truc dans la tête. C'est la misère et nos darons lisent le taf dans la tête. À qui la faute si on devient méchant? À qui la faute, dis-moi. Wow, wow, wow. NOS, à des mots, on n'est pas très tendre. Tu l'as senti dans ton eh, t'as fait. Wow, wow, wow. Perdu 20 dollars. Wow. Y'a eu Haglak. Wow. À 13h, y'a les keufs, oula. Wow, wow, wow. Tu pars pour 20 piges. Wow. Il baisse ta copine. Wow. Un PD te traque dans ta tête, ça fait. Wow, wow, wow. Wow, wow.